Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Garyou Arvué, l'émission 443, Perrantri à Dowigan. Henri va nous parler du mot balai aujourd'hui. Oui, on avait parlé de béage l'autre fois, et donc je me suis dit que ce serait pas mal de continuer un peu sur les promenades, les déplacements. Voilà. Et puis, le mot balai, ça me faisait penser aussi à la chanson que chantait toujours Théo Michel, Waka Bra Balai. Waka bra balai balai, waka bra balai balai, bra wara wa balai medoreglo bemde. Et donc, oui, Théo Michel, c'était un chanteur de Saint-Nicodème, là. Et je vais en parler bientôt, d'ailleurs, parce que comme ça fait 40 ans qu'il est mort, il est mort en 1974, qu'est-ce que je raconte? Et donc, c'est un chanteur que j'aimais bien, que j'ai bien connu. Donc, qui est décédé d'une chute de Solex, hein. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Théo Michel, quoi. Voilà, il est enterré dans le cimetière de Saint-Nicodème. Pas loin de la radio, là. Voilà. Et donc, ce verbe-là, balai, c'est un emprunt au vieux français, balai, qui voulait dire danser. Hein, d'où le bal aussi, hein. Voilà. Et ça a changé de sens en passant en breton, puisque c'est devenu se promener, se déplacer, partir. Ça, c'est. Il y a plusieurs sens en fait, hein, selon le contexte. Hein. Voilà. Alors dans le cas général, c'est plutôt se promener et marcher, quoi. Voilà. Alors, il y a des mots dérivés, hein, bien sûr. C'est une famille de mots, c'est une racine. Hein. Balai, comme baléade, hein, qui veut dire balade, promenade. Alors, baléade, c'est un mot féminin. Donc, avec la mutation, après l'article, ça donne baléade. Hein. Mais parfois, on emploie tout simplement balai. Hein. Or, un tambale, ober un tambale. Hein. Voilà. Monte de valle, hein. Aller se promener. Ça a aussi le sens de dégager, de partir, quoi. Par exemple, on va dire à quelqu'un, allez, balai vraiment, hein. Ça veut dire, fous-moi le camp, hein, si l'on peut dire. Voilà. Il y a aussi l'expression casse de valle, hein, qu'on retrouve en français, hein, c'est la même envoyer balader. Oui. Hein, casse de valle. On disait sur, parfois, casse de lucette aussi, hein. Pour, c'est-à-dire envoyer quelqu'un ramasser des myrtilles, quoi. Enfin, il y a pas mal d'expressions comme ça qui ont ce sens-là. Donc, c'est aussi marcher dans une certaine. Par exemple, balai wa rudu antadu, hein, marcher sur les traces de nos ancêtres. Hein. De balai wa rudu antadu, keitama zeyarbi dendro, hein, de marcher. Sur les traces de nos ancêtres tant que la terre tournera, c'est-à-dire à très long terme, hein, parce que normalement elle va tourner encore un moment. Voilà, balai, alors valéade, hein. Bon, c'est j'aime bien cette ça peut avoir le sens aussi de randonnée. Alors il y a aussi d'autres dérivés, comme par exemple balayeur-bro, hein. Balayeur-bro, c'est quelqu'un qui se promène dans le pays, qui visite, hein. Ça pourrait être un touriste. Tiens, ce serait pas mal. Balayeur bro, quoi. Comme j'aime pas beaucoup le mot touriste, ce serait pas mal. Hein, fouetteur bro aussi, hein, on dit fouetteur bro, c'est un peu, il y a un peu plus le sens d'aventurier dans fouetteur bro, quoi. Donc au pluriel, balayeur bro. Et donc, comme c'est un nom de personne au pluriel, qui n'est pas en ou, on a Valéarian Bro, hein, donc voilà, avec la mutation. Il y a le mot baléantour aussi, hein, qui est un mot masculin aussi, qui a le même sens, hein, de quelqu'un qui se promène, quoi. Alors, baléares, c'est l'expression qui, enfin le mot qui désigne vagabondage, hein. Autrefois, il y avait des lois contre le vagabondage. Les vagabonds étaient censés avoir un permis qu'on faisait signer comme ça dans toutes les mairies où ils passaient, parce que il y avait des vagabonds comme ça qui étaient des chanteurs ou des musiciens comme Pierre Rundal, et ils avaient un laissez-passer, le vagabondage. Voilà. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, oui, pour un autre dérivé, c'est que j'aime bien, c'est une valère. Une valère, une, c'est le sommeil. Hein. Une valère, c'est le somnambule. Ah oui. Oui, oui. Donc, il se balade en dormant, quoi. Et y a, le pluriel, c'est une valère. D'ailleurs, il y a eu un groupe musical à un moment donné qui s'appelait comme ça. Je sais pas s'ils existent encore, parce que une vallée aérienne. Oh, ça fait longtemps quand même. À mon avis, le groupe a dû être dissous, mais peut-être pas. Ça existe peut-être encore. Voilà, bah sur le somnambule, on va s'arrêter. Hein. Voilà, c'est pas mal faire une promenade pour terminer notre promenade. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneck temps m'attend. Deuxième partie d'émission, Brezhoneck temps m'attend. Je crois qu'Henri va nous parler d'un anniversaire, l'anniversaire de IA. Oui, c'est le... Bon, de temps en temps, je fais un peu de pub pour l'hebdomadaire IA, parce que c'est, je pense que c'est une très bonne initiative pour les gens qui parlent breton, qui lisent le breton, qui apprennent le breton. Donc, cet hebdomadaire-là, bien sûr, je suis abonné hein, et je le lis toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, IA, donc, c'est le numéro 500 qui va sortir au mois de janvier. IA a été créé en 2004, en même temps que Hinder Brezhoneck. Mais nous, ils sont arrivés à 500 et nous, on est encore à 443, là. On a pris un peu de retard parce que de temps en temps on rediffuse. Et on prend des vacances. Et on prend des vacances, oui. Alors, pas beaucoup de vacances quand même. Hein. Mais bon, on rediffuse quand même de temps en temps. Donc, on a un peu de retard. Et alors, ils vont fêter leur numéro 500. Hein. Et donc, dans le cadre de ce numéro 500, ils lancent une campagne d'abonnement. Donc en fait, les gens qui sont abonnés à IA pourront parrainer quelqu'un, une seule personne d'ailleurs, et cette personne recevra le YA gratuitement pendant 5 mois. Donc pour se familiariser, voir un peu si ça l'intéresse. Et donc le but de l'opération, c'est d'arriver à 2000 abonnés avant la fin 2015. Puisque là, actuellement, il y a 1250 abonnés. Et donc, le but, c'est d'arriver à 2000. Alors, le YA, pour dire un peu comment ça se présente, donc c'est un journal de 12 pages, hein, et donc qui paraît chaque semaine. Donc, on le reçoit en général le jeudi ou le vendredi. Et donc, là-dedans, il y a bon des informations, par exemple des informations sur la vie internationale, mais vues un peu différemment de ce qu'on trouve dans le restant de la presse, hein, qui insiste surtout sur le sensationnel, alors que là, c'est des analyses plus profondes, en particulier sur les minorités, hein, dans les différents pays. Et effectivement, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ça, hein, parce que c'est des informations qu'on trouve pas dans la presse habituelle. Voilà. Donc des informations internationales, des informations sur ce qui se passe en France et bien sûr en Bretagne. Donc il y a beaucoup d'informations culturelles, hein, sur tout ce qui se passe en Bretagne et Dieu sait s'il se passe des choses en Bretagne sur le plan culturel. Et puis il y a des chroniques régulières, comme par exemple celle de Paul Mingan, par exemple, que j'aime bien. Il y a toujours une réflexion intéressante où je bénis rien. Alors là, c'est un véritable régal, à la fois pour la langue et pour le contenu. Et il y a une chronique en gallo aussi. Alors j'ai beaucoup de plaisir à lire la chronique en gallo. Je fais des progrès. J'arrive pas encore à causer, mais je comprends quand même pas mal. Et donc c'est très intéressant, et puis c'est fait par des gens qui ont une réflexion intéressante aussi, quoi. Et puis ça donne un petit coup d'œil sur ce qui se passe chez nos voisins, hein, puisque les Galaisans sont nos proches voisins. Et puis il y a des mots croisés aussi en breton, que j'arrive à faire à peu près régulièrement personnellement. Et puis il y a alors la dernière page est toujours consacrée à une interview de quelqu'un une interview en breton de quelqu'un qui a fait quelque chose dans le domaine culturel, économique, social, enfin c'est des gens assez variés, quoi. Donc des personnages, c'est à la fois une interview et un portrait, hein, pour qui donne un peu la personnalité de celui qui est interviewé. Voilà, donc je pense que c'est intéressant et j'appelle tous les lecteurs à essayer de parrainer quelqu'un. Et comme ça, on pourra augmenter le nombre de lecteurs. Voilà, et ben, on peut dire IA pour IA. Merci Henri, tu nous as donné envie. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonnet-Vervro. Thank you. Troisième partie d'émission, Petra Zone Vervro Eri. Ben, calze draou zone e bavro, boerve, je dis-vous en, krogom de tientan vel custum, gandela bourdouar hag vu e war armez. Erion bremañ ban disk a ramzor ban mijou du vel velaret, hag bon yinor e an amzor an tam, med bede bra an amzor vid de zer i tout an trevad ou vel maiz hag betravez, a dis e voka vet bouet vid de londet pa de gouan. War da chen la bourdouar calze heureux o bed ou gant ferm mil vior, bon zo sens de Vougrel, bah, département d'Orsom, bon, mil zera au Berne, me sera, hag, bon, calz, labourer yon dou, arzo yon abdezé, vel juste, hein. Bénéfine, Stéphane Arfol, ministre la bourdou, ar brovran, de zlard, oa que me pemkan, mais oa anke dagé, aiguille, ar gwel vo pesambo de vos comptes, gand na farza. Bon, wardachen labourdou ar oaz, eskol labourdou ar kernilien, neus lid di hantar kanvla en DL, hag az eus obet kal ze dud a plijad ur zobet, d'un dud de l'an hat kavou, d'un dud a zobet baskol enan, pe kelene arion, pe tud zobet ur labourad ba baskol labourdou ar kernilien, a de noz war fez noz, hag oa obern tud. Dans mon temps, wardachen un endro bremañ. Evid ur bembet koech war nugen oa nevesso, diskoezad ag bon ou doutiez, bon ou dout tousek, pe la reine mat, ba tre glan en vus. A per han sort de bon ou dout tousek eus obet, war enke oa vijeka a tiem se babro, an ristol oa kem gwalva de nam zor vi le bon ou dout tousek, me me mestra, zo beka vet per han sort bon ou dout tousek. A kal je dut zo obet e vel just a mont de veleze. War da chen ur skelam zor bremañ pe ur limam a peswant, on aime glaive zo bekavet gant un eiz war nugen bro deus bro Europa, hag ben e bla, ba bla dao vil pemse, ge vo on aime vod braz, war an dachen ze, hag gwellet vo, pe sa mod vo kont war an afer ze, met de se vo rat kom ze roaz. War dachen un ekonomiez, ur stal guiader zo stai ba kintin, un eus divize de don bremañ de tos de vengan ba zan e ganton, l'air roi stal a ven roc, on usina oa e kazine, mais o bet dileus ket daou lasso, hag zezo ar tachen bel vu, hag aze vo gred, bon tout de l'arbre, ve gred gant ur stal guiader. Stal guiader zez o bet krouet de milno an tregon, zezo pelzo boe, ba landre varzek. Zezo ba pen ar bet, hag goud e en de diantant tout de stalz la bourre vit d'or wardro a higmor hag d'or charcutiri ma peswan a bremañ vegret beb sort bouet gante bouet gant pesket bouet gant kimor roaz o bern traou a c'hwer stal neus un embregerez onan zo ba kervignac ba kervignac ba morbid onel ba landre verzek evel juz l'an ma webe krouet ur stal ba naoundet, ba enez groez, hein, war dro ar pesket, ba tre gourez, hag o stal ba kintkin, stal kintin oa bet prenet bla daou vil seiz gant buader, ze oa ar stal elkin ar rog. Hag bremañ bon rezo labourat ba kintin o ret edon de labourat de ven gant. Pudur ont komz deus bro gwen gant, don rajon j'tin de l'artar vo gwella hamelia ba mis meurs, ba fine mis meurs no arnug eg un tregon mezan hag vo gred gwella hamelia ba gwen gam be bempla ve gret bon de diant an tout oa be de lanset zi ba bla no nante gatrugen zira pem ba tregon lasso gant fanche moal zo han avet mad ba ve de hamelia ba vro amme hag zo bet klet aliz war RKB, hag ze oa bet gred on tamm gwell de diantan hag bon benefin e deud de vous de ur festival, ma peswan, hag ar vo gwell kalz e dud a kalz gamelia eo evel just, hag bon ze zo dinenus. Bon war da chen ar politikerez, bon krog en traoù de vir vi on tamm war vid ar votad egou vik d'un departement chou, e blan me vo diz hent vel tre en trao, pudur bon hantan yo zo be had stumet, vide kreis breizam, canton y a ou rostren, melcarez, guare, gazan Nicolas. Voilà que bah même ce canton, hag ziz vo canton braz rostren, hag vide pep canton vo dilene de d'August Julien, or po d'agoplar. Hag trouz ozo déjà de hout piou vo war a reng, met de zevo hamz or de gomz benahem. Wardachen politiker a soaz, bakreiz ba finemis du vo em vo de nudebe, ba prefai, zezo ba brona onet. Hag evel just ne ket re zigwe e bedi bab de mont de prefai vidor nem vot, pu dur gout o ram nudebe zo evit breiz gant pen departement. Nudebe oa bekrou de hanter kan lasso, nan an obetut, hag déjà de houlse vije komze deus breiz gant pem departement hag un ebe oa du ganze. Wardach un vanni eus breiz an ahen mam eus mod pem senatour an eus gred on tam emglev ma peswant vid hat kavout breiz gant pem departement an eus lard o jonge an de lard o haun ka zezo e bouez mam eus tra. Michel Canevet, au sénateur de Penorbit, Joël Guériot, au sénateur de Brunaunet, Françoise Catels, au sénateur de Brunaunet, Philippe Paul, au sénateur UDI, vide Penorbit, Olivier Cadic, au sénateur vide Gallow et au Mésevrom. Bon temps, vraiment, war d'achen leurs événements. Prise Vero et Bepla vid Oliver Scrive den Brezonek hag prise oet Blamme gant Fanch Keren vid Leverion eus Begret vid laken dut de gompre non tam ur prederour yez hein, de l'ARD Oliver zo Keal Doue Waler Auschwitz hein, pe sa mod gwelet Doue Waler Trautien Spontuse hag prederourius pe philosophia. De ze moa be komz deja, un daoulever ze zo imbandet gant mouladur yo or yez, hag ouspenze fanch keran ne skrive de penadou baz galaouen ul lanv. Bon, fanch keran ze o mest hein, de gomz de ze prederourius gant ur brezon de guiar a ezoar te gompren. Hendel, pudur an komz de spriz ja ou vid leverio, ur priz verro ad bepla ive ou vid gant keridig eus skrivanerien breiz, vid ur lever war danve un istor breiz, l'istor breiz, hag ur priz ve haunet priz Mokaer, Pierre Mokaer, a zo berro ad de blamme de Marcel Lemoyle, vid i lever war vreton ez mez vro, Lever, titre Lever et Émigration bretonne. Bon, Marcel Lemoyle, je vous rends le voie de mode, bah, Rostren, hein. Plusieurs, on dîne en parloir air glad, ou air historeur vro. Bon, les vaisseaux, ils ont obé de bas Gronvel, MVO de Gevridig SPDG, hein, Potrait d'Andreugen Gaul, hag blanc me vaugrède, Gwelbi en Andreugen Gaul, hein, plusieurs, Arland et Waget Gwelbras, hag a zevo da c'hoese gevizme. Hag a raktre souel zo gant ur strolad PDG da skouir der an ober e labour vid ur skolioù hag lakat de vale un diskouezad da gwar zon er yon drujen gol. Zo pe gwell d'un tamm pe bler bavro. Yann fanch kemener, pudur an komz de zon eras, un eus ave d'un arvez war bue ur yon de kost, hein? Hag zo mar ba galeou pa da brezel pe varzeg. Ha ma trezen peus klevet un abadon oa begret ba tu de ze vro, gant Jean-Pierre Guader, ar gant Yann Fanch Kemener, hag neus displeget un tamm pe sa menos oa gantan a peten oa jonge d'ober, hag zo klevet un tamm de spes vo ba narvest. Hag narvest vo disket un tamm de bon tram de débat Kemper déjà, un tri de ce vis du, à Waller, à Ilerhel, hein, de Blérin, de Gwynet, de Rose, on a l'Erhel, Ross, Jean Jalrand, ma treize, vous moyenne de Gweld, un arve, ze, bah, crise de vro, en mauvais, je peux Plurion de Basivina de Roise, Lever Zobescrive de Grandaudinan par Loire Glad Guarec, Pierre Ledour, à Pierre Jézéquel, un Daubé en bénéfine, à Bonne Lever Zov au moyen de Gard Prestige en temps me plaît vide Eizero. À Bonne vous plus jardin de Lenzé, vi comprenant temps, puis ça me rend mon Glad Baguarec. Plus dur on te compte de ce Guarec, justement, né vaisseau, ou à Igora dur, Poulna et Alguarec, à, alors Poulna et Alzezobézave dans leur CCKB, à Calzedut, Sobit, Pemkan de Dune, me semble, ou à Ban Igora dur, à Gnomesque, ou à Fabien Gilot, Zondin, en part de Nayal, hein, his de Sbider Mode, Alice, hein, et Vin Nayal, hein, à Medallion Hour, hein, bah, Londres, à Bonne. Sais-tu? Né vaisseau, wa, ganer, né que ganer KB, mais ganer BG, wa, radioton, velvégrette, bépla, bonne vie rastée là, d'un temps mère, en vie de, RBG, hein, zone de tamboire, de RKB, et vel juste, avec l'Ève d'Alice, Abaden ou deux RBG, wa, RKB. Bonne, hois, ondraël, hois, ma peu soin, braise, alors, Gwell Breizegand, hein, vaut, bah, Pondi, de Seizer Vissierzu, Breizegand, zo Gred, très grand de la Sauve et Grésé, hein, Vidka, de, on aime vaut de ma peu soin, très là, zo Gand, à Gand, Breizon de Gain. Asé, vaut Gred, vel Arndar, bah, y trône varia les Vénès, bah, Pondi. Hendel, Roise, Vicombs de Zoneres, au, Han, Louis-Jacques, Sunyar, Aran, Sgred, au Stroll, à Triblasso, zo Han, Youhaden, Agazien, Ngred, au Bladen, zo Beden, Rolle, Bacavon, zo Kals, Draubas, à plus juste Muscaven, non, à Dasquir, Nespujetin, Grandau, Trigeménaire, un Trigeménaire de Spontivi, à Ndo, camarade fidèle, à Kals, Drauel, Orlive, au Bladen, Bratré, vidor, au prof Benek, vid nédéleg, plus durement, nédéleg, tostat, mais de ces voix racontes, c'est d'envie, je Benek, roas, c'est tu, grême, montant trop, à pessonner vers vous, à la randar, qui n'a vaut tout, chez l'on, Anne. Qui nous irait.